CLR, PR, CS. Tu caches tes doutes dans le paraître, et dans la tête tu deviens paro. Si j'écris pas, c'est la paresse. Sinon, en vrai, mon gauche t'arrose. Claire et précis, t'es le tarot. Quand je prends le micro, tout est carré. Ça flex au fond de l'appareil, l'écoute, tu peux pas les parer. Bien trop de salopes dans les parages, on les aborde dans les balafres. Hey, petit sourire à Elvira, je bombarde à fond dans les virages. Ça sent la con, certains diront de l'autarcie, j'en ai rêvé. Autant que la terre pour un tyran, ma seule mission c'est de m'en tirer. Je veux plus de bif qu'un Emirat, la même auto que Akira. Putain, mon ref, bordel, réveille-toi. Bah ouais, t'entends pas ou quoi? Putain, si, si. Ils nous ont pas vu arriver, hein. Non, ils ont rien vu, mon gars. Que dalle. Ouais, c'est l'air PRCS. Ouais, c'est l'air PRCS. Tu nous as pas vu arriver. Nada, rien. Ouais, c'est l'air PRCS. Ouais, c'est l'air PRCS. Tu nous as pas vu arriver. Tu nous as pas vu. Ouais, c'est l'air PRCS. Ouais, c'est l'air PRCS. Tu nous as pas vu arriver. Walou, que dalle. Ouais, c'est l'air PRCS. Ouais, c'est l'air PRCS. Tu nous as pas vu arriver. Retour chez Daron, je fais des économies. J'ai rendu l'appart, j'ai perdu des amis. Moi je dans mon bled, y'a pas trop d'alchimie. Des fumeurs de beuh, des petits chimistes. Des petits chimistes. T'es encore loin de ce que t'imagines. Ouais. Pas ça gros, c'est de la magie. Ouais. Avec un mock check, on t'assassine. Ramène éponge, ramène les bassines. Big man Jay-Z. Big man Jay-Z. J'ai mon Walkman, j'ai le coup Jay-Z. L'album je dévore et j'apprécie. Elle me dit non et apprécie. Reste indécise et apprécie. Et apprécie. Elle me dit non et apprécie. Reste indécise. Sommaire, je remarque les signes. Elle me répond plus, je lui fais des signes. L'avenir dessine, l'opération se passe de nuit comme Batman et Robin. Même quand je vais mal, je souris comme Joker en déprime. Eh, t'es mal à zone d'influence, juste des gens influents. Sable, j'attaque au sable comme Yajiro B. On grattait des lignes pendant que tu poireautais. On a les rimes, ça va les inquiéter. Avec un mock, on découpe la prod, pas les plaquettes. Ça va trop vite, ça lit pas la moquette. Ravel tes tripes, tu vas tout saloper. Tu vas tout saloper.